voyage. On n'est pas une femme d'intérieur, pour dire les choses. C'est ça qui me plaisait, c'était pouvoir être dehors, pouvoir aller se balader, pouvoir aller chez des gens, pouvoir circuler. À voix nue, Florence Aubenas, par Pauline Chanu, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Le gouvernement voulait que la charte des principes pour l'islam de France soit le début d'un engagement des musulmans en faveur de la République. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Mais le projet gouvernemental s'est trouvé bousculé par la défection de certaines fédérations du Conseil français du culte musulman. Pourquoi ces refus ? Est-il possible de créer un islam de France par le haut ? C'est la question que pose le temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. L'intérêt pour le cerveau n'a certainement jamais été aussi grand que ces dernières années. La preuve en est l'essor des neurosciences qu'il étudie sous toutes ses coutures. Mais il y a une partie du cerveau qui prend moins la lumière, qui est moins aimée, qui est pourtant absolument essentielle à son fonctionnement. Ce sont les méninges, soit cette zone entre le cerveau à proprement parler et la boîte crânienne, dont on a découvert il y a assez peu de temps qu'elle constituait un système tout à fait élaboré d'évacuation des déchets redoutablement efficace, étant entendu que le cerveau, consommant jusqu'à un quart de l'énergie que nous ingérons, produit en conséquence une quantité importante de déchets toxiques. Bienvenue dans le monde des méninges. Cerveau, le remue-méninge, c'est le programme évacuateur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette partie moins connue, mais non moins passionnante de notre cerveau, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Calamarides. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur d'un groupe de recherche sur les méningiomes à l'Institut du cerveau. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Et nous sommes en ligne avec Jean-Léon Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur INSERM à l'Institut du cerveau, mais on commence, comme tous les lundis, par un tour de l'actualité scientifique de ces derniers jours avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et ce lundi 19 avril 2021 est un jour historique dans l'histoire de l'humanité, puisque pour la première fois, Natacha, l'être humain a fait voler un instrument sur Mars. Oui, on a volé sur Mars. Décollage et atterrissage réussi de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars. Ce premier vol d'essai s'est tenu ce matin dans le cadre de la mission Perseverance de la NASA. Alors, l'opération en tout n'a duré que 40 secondes, mais elle rentre dans l'histoire car il s'agit du premier vol d'un engin motorisé sur une autre planète. Ce petit robot à énergie solaire a atteint 3 mètres d'altitude. Pour un vol stationnaire stable de 30 secondes, ce vol était autonome, il n'était pas piloté à distance avec un joystick, et c'est un exploit technique. Car la gravité de Mars est nettement inférieure à celle de notre planète, et son atmosphère est extrêmement fine. Elle est beaucoup moins dense que sur Terre, ce qui signifie qu'il a fallu beaucoup de puissance pour les 2 pales du robot. Alors 5 autres décollages sont attendus, le prochain est prévu dans 4 jours. Le but sera d'atteindre les 5 mètres d'altitude et de tenter des déplacements latéraux. Alors, il n'y a pas d'instrument scientifique à bord. L'objectif est de prouver qu'il peut voler, mais on y trouve un morceau de tissu qui provient des ailes de l'avion Wright Flyer de 1903, en hommage au premier vol terrestre il y a 117 ans. Et si vous voulez voir ces images du premier vol d'Ingenuity, bien évidemment, on vous poste tout comme chaque jour sur notre fil Twitter et sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Le fil Twitter, vous connaissez par cœur, c'est @laméthodefc. Et on passe au bref. Le public Health England va enquêter sur le variant indien du SARS-CoV-2, Natacha. Et découvert en octobre, ce variant baptisé B1617 est aussi surnommé le double mutant. On compte 15 mutations d'acides aminés, dont deux mutations spécifiques sur la protéine de pointe. La mutation L452R, aussi présente chez le variant californien, et la mutation E484Q, similaire à celle observée sur le variant sud-africain et brésilien. Alors, difficile de dire si l'émergence de cette souche est liée à la hausse des contaminations en Inde. Pour le moment, les données sont maigres, mais on sait que ce variant est présent en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis et en Namibie. Il n'est pas encore classé comme variant préoccupant, mais le public Health England vient de lancer une enquête approfondie. Selon une étude parue dans la revue Animal Biology, les effets des déchets du Covid-19 sur la vie animale sont dévastateurs. Et entre les masques à usage unique et les gants jetables en latex, la production de plastique a explosé depuis le début de la pandémie. On estime dans le monde que 129 milliards de masques et 65 milliards de gants sont utilisés tous les mois. Alors selon des scientifiques du Pays-Bas, cette nouvelle vague de déchets représente une menace pour la vie animale. Le plastique peut être fatal pour un grand nombre d'animaux qui l'ingèrent ou qui se retrouvent piégés avec. Ces chercheurs ont lancé une base de référencement qui s'appelle covidlitter.com pour collecter et mesurer l'étendue de cette pollution. Et toujours sur la pollution plastique, selon une étude parue aujourd'hui dans PNAS, les particules microplastiques ont intégré les cycles réguliers de l'atmosphère. Et les particules microplastiques sont désormais intégrées dans les cycles réguliers de l'atmosphère et se déplacent donc comme de l'oxygène ou de l'eau. Une équipe américaine a construit un modèle de pollution plastique atmosphérique. Entre 2017 et 2019, les chercheurs ont collecté des échantillons de l'atmosphère dans l'ouest des États-Unis. Et selon eux, chaque année, environ 22 000 tonnes de microplastiques sont déposées aux États-Unis. Une fois dans l'atmosphère, ces particules pourraient rester en suspension pendant 6 jours, ce qui est assez pour traverser un continent. Porté par le vent, la pollution microplastique se répand partout, y compris dans des endroits reculés. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Notre cerveau est gourmand, très gourmand pour un organe qui ne représente que 2% du poids total du corps. Il consomme jusqu'à un quart de l'énergie ingérée, 25%. Or, qui dit consommation énergétique intense, dit production de déchets tout aussi intense. Que fait notre cerveau de tous les déchets qu'il produit quotidiennement? Eh bien, il les confie aux méninges, cette couche extérieure connectée au réseau lymphatique qui sont les acteurs clés du drainage du système nerveux central. Et paradoxalement, ce système méningé était très mal connu et jusqu'à il y a très peu, puisque ce n'est qu'en 2012 que ce système d'évacuation des déchets est mis en évidence chez la souris. Alors, que sont ces méninges? Comment fonctionnent-elles? Pourquoi doit-on à tout prix se les creuser d'ailleurs? Comment est-ce que vous expliquez l'un et l'autre, Michel Calamaredes, que cette connaissance des méninges soit finalement extrêmement tardive, extrêmement récente? Je pense que l'essor des neurosciences, comme vous l'avez très bien dit, s'est intéressé au cerveau et on a considéré les méninges comme un peu le paquet du cadeau et on regarde le cadeau et pas le paquet. Et donc il y a eu assez peu de recherches sur les méninges de façon active. Et puis d'un point de vue technique, c'est vrai que beaucoup de recherches sur la souris, quand on étudie le cerveau de la souris, on enlève la méninge pour aller examiner le cerveau. Donc il y a eu très peu de questions posées sur la méninge, à part, on en discutera peut-être tout à l'heure, les pathologies de la méninge tumorale qui sont très fréquentes. Peut-être Jean-Léon Thomas, et qui a beaucoup participé au développement de l'analyse des lymphatiques, a une explication. Jean-Léon Thomas, notamment votre équipe, a mis au jour un nouveau réseau de vaisseaux lymphatiques le long de la colonne vertébrale. Alors, ça reste le système nerveux central, mais pas directement connecté au cerveau. Et c'était en 2018, donc on voit encore que c'est une connaissance extrêmement moderne. Oui, en fait, la présence des vaisseaux lymphatiques dans les méninges a été pressentie déjà depuis très longtemps et même démontrée au XVIIIe siècle. Déjà, il y avait des neuroanatomistes italiens qui avaient déjà décrit ça en utilisant des injections de cire. Ils avaient très bien distingué en fait un compartiment lymphatique distinct du compartiment sanguin, parce qu'il faut bien rappeler à tout le monde que les vaisseaux lymphatiques sont tout à fait différents des vaisseaux sanguins dans la mesure où ils ne transportent pas des massies. Ils vont drainer, globules, en fait. Oui, ils vont drainer bien sûr des globules blancs et ce qu'on appelle la lymphe, qui est en fait correspond au milieu intérieur des tissus, qui a besoin bien entendu d'être sans arrêt renouvelé et épuré, comme vous l'avez dit. Alors, les vaisseaux lymphatiques n'ont pas de globules rouges, donc, et il y en a dans les méninges, on le sait depuis un bon moment. C'était très discuté, et puis, donc, au cours du XXe siècle, il y a eu des études un peu contradictoires. Et puis, en 2015, il y a eu deux publications qui ont vraiment démontré, en utilisant les techniques actuelles, qui sont absolument démonstratrices, c'est-à-dire l'utilisation d'anticorps qui vont reconnaître des molécules spécifiques exprimées par les vaisseaux lymphatiques, que ces lymphatiques étaient bien là, ils étaient fonctionnels, ils étaient capables de transporter des fluides qui circulent dans les méninges et puis des cellules immunitaires. On va évidemment détailler tout cela et comprendre comment fonctionnent ces méninges, mais vous le dites encore aujourd'hui, hein, Michel Calamarides, vous dites la recherche sur les méninges est très peu considérée. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je pense que on s'intéresse principalement à un tissu par sa pathologie. Et la seule pathologie qu'on connaît jusqu'à présent, c'est les tumeurs de la méninge. Et donc, il y a simplement l'analyse des tumeurs qui a été faite. Et on s'aperçoit de plus en plus que les méninges ont un rôle propre dans le développement de ces tumeurs au-delà de la cellule d'origine. Donc c'est la raison, je pense, pour laquelle très peu de choses ont été faites. Et on a considéré les méninges pendant très longtemps comme un élément protecteur du cerveau. Là où circule entre la méninge, comme vous l'avez dit, et le cerveau du liquide céphalo-rachidien. Et c'était un système d'amortissement, un peu des chocs, et probablement de nettoyage. Mais il y a eu assez peu de recherches précises sur son fonctionnement. Je dirais, pour ajouter ce qu'a dit Jean-Léon Thomas, que la lymphe et les lymphatiques existent dans tout le corps entier. Et c'est un système très important dans le corps entier qui est dissocié du système veineux. Et finalement, il y a la même chose au niveau du cerveau. Jean-Léo Thomas, vous avez une explication pour compléter ce que vient de dire Michel Calamarides ? Oui, vous disiez, Michel a tout à fait raison, les vaisseaux lymphatiques existent dans tous les organes du corps. La grande particularité du cerveau, c'est qu'il n'en possède pas. Et ces vaisseaux lymphatiques sont donc, en quelque sorte, un peu satellisés, ils sont en périphérie. Et le grand paradoxe, c'est qu'ils ne sont pas en contact direct avec le tissu cérébral. Donc le grand mystère qui est toujours en discussion, bien qu'il s'éclaircisse de plus en plus, c'est comment est-ce que sans être en contact direct avec le tissu cérébral, ces vaisseaux-là vont pouvoir évacuer des déchets du système nerveux. Alors, vous disiez tout à l'heure que ces méninges étaient mal aimés. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un constat collectif. C'était très provocateur dans votre annonce d'émission. C'était savoureux d'ailleurs. Vous savez, quand on regarde un peu l'impact des publications scientifiques et les journaux dans lesquels sont publiés les articles concernant les méninges, on se rend compte que c'est de très fort impact et ça attire l'attention de la communauté générale scientifique qui dépasse largement celle des neurosciences et même celle de la médecine. Parce que ce qui a été le détonateur réel du grand intérêt, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fait vous avez créé cette émission, c'est que on s'est rendu compte que ce réseau-là contrôlait l'immunité du système nerveux et non seulement était capable d'évacuer des déchets, mais aussi pouvait avoir une utilité considérable dans la lutte par l'utilisation du système immunitaire, notre propre système immunitaire, de quantité de pathologies du système nerveux, parce que beaucoup de pathologies du système nerveux sont liées au système immunitaire, bien qu'elles n'aient pas été considérées initialement comme ça. C'est des maladies des neurones, c'est des maladies des cellules gliales, mais on se rend compte que beaucoup de ces pathologies impliquent le système immunitaire et le régulateur du fonctionnement de ce système immunitaire. Là, depuis 5 ou 6 ans, on se rend compte qu'il est dans les méninges. Et alors, avant de se plonger vraiment dans ces méninges pour comprendre leur composition et leur fonctionnement, est-ce que vous avez une réponse à cette question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en préparant cette émission? Pourquoi est-ce qu'on se creuse les méninges, Michel Calamarides? C'est la question que vous posez aux chirurgiens, parce que on creuse assez souvent les méninges. Pourquoi on se les creuse, je ne sais pas. C'est une bonne question. Jean-Léon Thomas, vous avez un élément de réponse à cette... je me suis dit que ça ne suffisait pas. Pas de ce parce que c'est vrai qu'on a tendance à se gratter un peu le crâne quand on réfléchit, mais il faut aller encore plus profond, donc non seulement traverser la boîte crânienne, mais les méninges pour accéder encore au cerveau. Bon. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc des méninges tout au long de cette heure, en compagnie de Michel Calamarides et de Jean-Léon Thomas. Alors on va ouvrir un peu le capot, si vous me permettez cette expression. Qu'est-ce que c'est exactement, Michel Calamarides, que les méninges? Pourquoi au pluriel? Qu'est-ce que ça décrit précisément? On va y aller strate par strate. Alors strate par strate, si on part, on part de la boîte crânienne, puisque avant d'arriver à la méninge et à la boîte crânienne, l'os. Et juste en dessous, il y a la dure-mère. Ou dure-mère épaisse, pachyméninge, ça vient du grec, pachy, c'est épais, méninge. Et puis, accolé à cette dure-mère ou pachyméninge, il y a les leptoméninges. Et là encore, ça vient du grec lepto, qui veut dire mou. Et il y a l'arachnoïde. Donc l'arachnoïde est collé à la dure-mère. Il y a des cellules très différentes. Il y a plutôt des fibroblastes classiques qui sont des cellules très fréquentes qu'on trouve dans le corps au niveau de la dure-mère. Et au niveau de l'arachnoïde, c'est des cellules plutôt méningothéliales. Et en dessous, il y a le liquide céphalorachidien. Uh-huh. Je vous rappelle que le liquide céphalorachidien, on a à peu près 120 millilitres de liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau, l'extérieur, l'intérieur, les ventricules et la moelle épinière. Et ça descend tout en bas du rachis. C'est pour ça qu'on peut faire une ponction lombaire, par exemple, quand on se demande s'il y a une méningite, on fait sous la moelle épinière et on produit ce liquide de façon active. Donc c'est sécrété de façon active et résorbé de façon passive et trois fois par jour. Donc on produit 500 millilitres de liquide céphalorachidien. Et enfin, au niveau du cerveau, il y a la pimère qui est quelque chose de très très adhérent au cerveau. Et il y a des vaisseaux qui descendent à l'intérieur et les vaisseaux artériels qui sont dans le cerveau, sont accompagnés de ces manchons de méninges. Mmh. Jean-Léon Thomas, est-ce que vous voulez compléter, rajouter votre point de vue, développer un peu, parce qu'on va aller prendre encore une fois strate par strate pour comprendre bien quel est leur rôle et comment ce qu'elles ont en commun, ce qu'elles ont de différent et comment elles interagissent avec le cerveau. La description du chirurgien est parfaite, bien sûr. Pour schématiser et caricaturer, on va dire que les méninges existent chez tous les vertébrés. Il n'y a pas, en effet, le même nombre de membranes parmi les différentes classes de vertébrés. Les poissons ne vont avoir qu'une couche, par exemple, de protection. C'est chez les mammifères, chez les oiseaux, que nous avons ces trois couches que Michel a décrites. Et quand on réfléchit un petit peu à quoi ça peut servir d'avoir un peu ce type d'emballage un peu compliqué, la couche la plus externe, c'est une couche qui est très épaisse, comme Michel l'a dit, et elle est élastique. La couche la plus interne, c'est la dure-mère. La couche la plus interne, la pimère, c'est une espèce de sarane qui colle complètement, elle est très fine, qui colle au parenchyme, au tissu nerveux. Et entre les deux, il y a une espèce de soufflet qui, d'une façon modérée, hein, mais est souple et dilatable, en quelque sorte, et est rempli de fluide. Et tout ça va permettre d'assurer une espèce de flottaison à l'ensemble du système nerveux et bien sûr de compenser les chocs et d'éviter que la masse du tissu cérébral puisse dans des mouvements, parce que nous sommes des bipèdes, alors nous avons une tête qui bouge sans arrêt, tout comme les oiseaux, et nous avons besoin d'un système de stabilisation, un système de protection, et donc ce fluide, le liquide céphalorachidien, est absolument clé. Maintenant, ces méninges-là, elles ont une histoire. On va en discuter chez l'adulte, mais je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'on parle de leur développement, qui est clé, parce que les méninges sont très importantes chez nous, chez l'adulte. Mais sans les méninges, nous pourrions dire que nous n'aurions pas de cortex. C'est très simple, nous n'aurions pas de cortex. Alors pourquoi? Expliquez-nous ça, parce que c'est... Mais justement, allons-y, je vous en prie, raconte-nous ça. Pourquoi est-ce que c'est si important dès le développement au stade embryonnaire et pourquoi sans méninges, il n'y a pas de cortex cérébral? Eh bien, écoutez, il y a des expériences qui ont été réalisées il y a une trentaine d'années déjà, par le groupe de Nicole Dorin, qui est une éminente embryologiste, et par ses collaborateurs, notamment Gérard Couli, qui est un chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker. Et ils avaient réalisé des expériences très simples. Ils découpaient à un stade très précoce de l'embryon chez l'oiseau l'ébauche de ce qui allait devenir la méninge. Et il s'avérait que ces animaux ne développaient pas du tout de cortex. Ils avaient une atrophie complète et non seulement le cortex, mais les os frontaux de la boîte crânienne étaient absents. Donc, l'absence de ces méninges provoque en fait une mort du tissu cérébral. Et ce qui se passe, c'est que, initialement, le cerveau est une espèce de plaque. Et cette plaque en avant, elle va grandir, mais elle va se développer latéralement pour former cette capsule et ce qu'on appelle le cortex. Et le tissu qui induit le développement donc dorsal du cerveau, eh bien, c'est la méninge ou la future méninge. Et ce tissu qui donne naissance à la méninge s'appelle le tissu de la crête neurale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces cellules de la crête neurale qui se développent très très tôt vont précéder en quelque sorte dans leur migration le développement cérébral et vont produire des facteurs de survie qui vont permettre la prolifération des cellules qui sont dans la partie ventrale de l'ébauche du tube neural, et puis leur croissance latérale. Donc d'où l'importance absolument cruciale de cette ébauche de la méninge. Et cette ébauche de la méninge va avoir non seulement un rôle sur le développement cérébral, mais va avoir un rôle sur en fait, le développement des os crâniens et des os crâniens frontaux. Sans cette méninge qui se développe, non seulement ventralement on n'induit pas le cortex, mais dorsalement on n'induit pas non plus en fait le développement des os crâniens frontaux et faciaux. Et on va vous retrouver, puisqu'on avait reçu Nicole Ledouarin à ce micro, et nous avions la chance de nous entretenir avec elle. Elle nous parlait d'ailleurs dans le détail de ses expériences sur la crête neurale in utero chez les oiseaux. C'était tout à fait passionnant. Peut-être un mot, Michel Calamarides, maintenant qu'on a les différentes couches, la pimère, l'arachnoïde et la dure mère, on a entendu pas mal de choses dans cette première partie d'émission, notamment la question du lien avec le système lymphatique. Il y a certains de ces tissus qui sont vascularisés, d'autres qui ne le sont pas. Comment est-ce que ça fonctionne finalement? Comment est-ce que ces trois couches communiquent l'une d'entre elles et quels sont leurs rôles précisément? Je voudrais juste faire un petit point sur l'origine embryologique. Oui. Il y a aussi probablement à la base du crâne du mésoderme, et donc l'impression est que la méninge a une origine crête neurale et mésoderme. Et on le voit. Mésoderme, c'est-à-dire? C'est un développement antérieur au niveau des arbres branchiaux qui se développe. Donc c'est un autre tissu d'origine au niveau du développement embryologique. Et il est clair que quand on examine les tumeurs et les gènes impliqués dans les différentes tumeurs, il y a un lien avec l'origine et la localisation des méningiomes, et donc l'origine embryologique. Donc il n'y a pas que la crête neurale, mais c'est vrai que c'est une partie importante. Alors la vascularisation de la méninge, et elle se fait par un système avec des artères méningées. Et il y a des artères méningées qui courent le long des méninges. En particulier, il y a l'artère méningée moyenne, qui est une artère importante. Et c'est cette artère, quand elle est lésée lors d'un traumatisme crânien, par exemple, où il y a une fracture du crâne qui passe sur cette artère, et c'est un hématome qu'on appelle extradural, qui est l'une des rares urgences, extrême urgence neurochirurgicale, car il y a le développement d'un hématome, il y a un saignement actif qui va comprimer le cerveau, et tout est une question de délai. Typiquement, il y a un traumatisme crânien direct, le patient perd connaissance, il se réveille, il y a ce qu'on appelle l'intervalle libre, c'est ce qu'on voit, et puis il va y avoir une dégradation assez rapide de la conscience par cet hématome qui pousse, et il faut opérer en catastrophe le patient. Uh-huh. Donc je dirais que c'est ce système, mais je le vois d'une côté encore du chirurgien, et donc il y a un système, c'est vascularisé. Après, la vascularisation exacte et le rôle, je dirais que c'est un peu moins connu, un peu moins intéressant. En tout cas, c'est pas les mêmes vaisseaux qui vascularisent le cerveau et la méninge. C'est D'accord. deux systèmes tout à fait différents. Mmh. Jean-Léo Thomas, sur l'organisation et le fonctionnement de ces méninges, on a entendu, et donc c'est important, j'aimerais que vous me racontiez comment fonctionne et comment s'organise le système lymphatique dans ces méninges, et notamment un autre système qui est tout aussi important et qui a lui aussi été découvert relativement rapidement, qu'on appelle le système glymphatique. Oui. Alors, pour rebondir, oui. Je ne vais pas répondre à votre question et rebondir à ce qu'a dit Michel. Les méninges sont extrêmement vascularisés et c'est le point d'entrée et de sortie des vaisseaux cérébraux, puisque les artères vont, à partir de la périphérie, bien sûr, traverser la méninge et plongé à l'intérieur du tissu cérébral, et les veines vont en ressortir. Et ces veines, quand elles vont en ressortir, elles vont converger dans des structures qui s'appellent des sinus, qui sont des canalisations larges, très simples, qui sont dans la dure mer. Alors, maintenant, j'ajouterais juste, Jean-Léon. Michel Calamérides, excuse-moi. C'est très important, ce système de drainage du cerveau, parce que, comme disait Jean-Léon, tout le système veineux de drainage du cerveau passe dans le système dural, juste à la surface, sous l'os. Et c'est là, par exemple, on entend beaucoup parler de thrombophlébite cérébrale spontanée ou après des vaccinations. Par exemple. Et c'est ce niveau-là. Donc, c'est un système très fragile qui fait à peu près 1 cm, 1,5 cm, où tout le sang veineux qui est drainé va s'accumuler dans cette paroi de méninges durs, de dure mère à la surface. Mmh. Donc c'est un système très, très complexe et très finalement fragile quelque part. Mmh. Jean-Léon Thomas, je vous laisse poursuivre. Oui, on va avoir à reparler de ces sinus duraux qui ont manifestement une importance capitale à la fois dans la récupération du liquide céphalo-rachidien pour son élimination et puis dans les échanges des cellules immunitaires avec la périphérie. Vous posez cette question du système lymphatique et la réponse est directement liée à ce que nous disions, c'est-à-dire que la méninge est une surface, une plateforme d'entrée et de sortie des vaisseaux à l'intérieur et depuis le cerveau. Je vous ai dit tout à l'heure, et Michel l'a dit, le liquide céphalo-rachidien circule dans l'arachnoïde, cette espèce de soufflet qui est entre la dure mère et la pimaire. Et quand les artères plongent à l'intérieur du tissu cérébral, eh bien, elles vont avoir autour d'elles un espace péri-artériel. Et de la même manière, les veines, quand elles sortent, ont un espace péri-veineux dans lequel le liquide céphalo-rachidien est présent. Alors, ce liquide céphalo-rachidien, il a été montré que par des expériences à la fois de résonance magnétique, d'imagerie en real life, et puis par des manips où on injectait un traceur coloré dans le liquide céphalo-rachidien, que les marqueurs allaient pouvoir suivre ces espaces périvasculaires, périartériels, rentrer à l'intérieur du tissu neural et diffuser ensuite à l'intérieur du parenchyme. Le parenchyme qui est le tissu nerveux du cerveau. Le tissu nerveux. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'il existait une réelle circulation, c'est-à-dire que ce qui avait pénétré par le pôle artériel allait ressortir par le pôle veineux. Et entre les deux, il y a le tissu cérébral. Et le tissu cérébral, le médiateur majeur de la circulation, ce sont les astrocytes dans le tissu cérébral. C'est-à-dire que le liquide céphalo-rachidien, non seulement c'est un liquide qui circule dans les ventricules et qui protège mécaniquement le tissu, l'ensemble du tissu nerveux, mais il va participer à rentrer dans le parenchyme et à se mélanger avec le milieu intérieur propre du tissu cérébral et bien sûr aider à son nettoyage. Mmh. Alors le fameux système glymphatique, c'est fait référence à glie et lymphatique comme un système lymphatique, donc ça ressemble fonctionnellement à un système lymphatique dans la mesure où c'est un système de drainage, de prise en charge, bien qu'il y ait une absence de réel vaisseau lymphatique. Donc ce système lymphatique a été donc découvert par une chercheuse américano-danoise, Megan Niedegaard, avec des radiologistes, notamment Hélène Bedveniste, qui travaille à Yale. Et la découverte a précédé, quand vous parliez de 2012, c'est cette découverte effectivement du système lymphatique qui a précédé la découverte quelques années plus tard, en 2015, ou la redécouverte des lymphatiques dans les méninges, dans la dure mère, qui est réalisée par deux équipes, une en Finlande, l'équipe du professeur Kari Alitalo, et elle aux États-Unis du professeur Jonathan Kipnis. Un mot, alors si j'ai bien compris, si je suis bien vos explications sur cette connexion, en fait, cette communication entre le système lymphatique d'évacuation d'une part et le système glymphatique de l'autre, c'est qu'on ne sait pas encore très bien aujourd'hui même comment les deux fonctionnent l'un avec l'autre, Jean-Léon Thomas. Parfait. J'ai bien appris ma leçon. Oui. Non, j'espère que c'est parce que l'explication était déjà claire. Mais Les choses s'éclaircissent beaucoup et la littérature progresse de façon très très rapide parce que beaucoup en fait de chercheurs sont intéressés à ces problématiques-là. La meilleure des preuves, c'est que vous voyez à l'hôpital de la Salpêtrière ou à l'hôpital Rothschild, on essaie de mettre en place des protocoles d'imagerie lymphatique chez l'homme. Donc ça montre bien que tout le monde comprend l'urgence de ça. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits et ce qu'on comprend maintenant, c'est que on parlait des sinus duraux. Eh bien, les sinus duraux, c'est de la durmère, c'est-à-dire, comme Michel l'a dit, des fibres de collagène avec des fibroblastes. Et puis, bien sûr, un endothélium qui va, en fait, récupérer, comme un gigantesque fleuve récupère des fleuves latéraux venant du cerveau. Ce sont les veines cérébrales qui convergent. Eh bien, c'est la gaine, l'espace péridural, en fait, qui récupère le liquide céphalo-rachidien et qui est pris en charge là par les lymphatiques qui sont tout à leur contact. C'est-à-dire qu'il existe en fait une espèce de, comment dire, un micro-environnement très très particulier. Il y a une écologie très particulière dans la méninge au niveau de ses sinus. C'est-à-dire que la méninge a une importance considérable, la durmère dans la méninge a une importance considérable, et plus précisément dans la durmère, les espaces péridiraux et les sinus duraux ont une importance capitale. On va continuer à évoquer ces méninges, on va notamment s'intéresser à leur dysfonctionnement parce que vous connaissez, et tout le monde connaît a priori, bien sûr, les méningites qu'ils font craindre évidemment beaucoup et qui sont redoutables, notamment chez les plus petits, mais il n'y a pas que les méningites, on va parler également de méningiomes, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Première vague de Roquet Chagrin à 16h30 sur France Culture. Nous parlons des méninges tout au long de cette heure en compagnie de Michel Calamarides qui est neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et directeur d'un groupe de recherche sur les méningiomes à l'Institut du Cerveau et Jean-Léon Thomas qui est chercheur INSERM et bien exactement à l'Institut du Cerveau. Les méninges, donc, comme je vous le disais, on les connaît en grande partie à cause de ces fameuses méningites et des pathologies assez graves qui surviennent lorsque leur fonctionnement est touché, qui nécessitent souvent un passage au bloc opératoire. C'est pour comprendre cela que vous êtes rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où se pratique ce genre d'opération. Céline Lezen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, j'ai retrouvé Stéphanie Lank, neuroradiologue, qui est spécialisée dans le traitement des pathologies vasculaires méningées comme les fistules artério-veineuses durales ou bien l'hypertension artérielle idiopathique. Ce sont des pathologies qui sont liées à des sténoses, c'est-à-dire des rétrécissements de l'ouverture des vaisseaux qui altèrent la bonne communication vasculaire et génèrent des douleurs crâniennes très vives. Pour traiter ces pathologies, il faut parfois intervenir directement dans le cerveau. Dans l'unité neuroradiologie interventionnelle, elle soigne ses patients de manière non-invasive, c'est-à-dire sans jamais ouvrir le crâne, mais en allant sonder par cathéter l'arborescence vasculaire pour aller mécaniquement désobstruer les vaisseaux. Une solution qui ne résout pas la cause du mal, mais au moins qui permet de soulager de manière pérenne ses patients. Alors donc ici, nous, on accueille des patientes essentiellement pour le traitement et pour parce que le diagnostic a souvent déjà été fait, soit par un ophtalmologue, soit par un neurologue, qui nous adresse la patiente souvent à un stade où le traitement médical pour baisser la pression intracrânienne, qui est le Diamox, ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas. Donc c'est des patientes qui ont toujours des symptômes malgré les médicaments. Et donc c'est ces patientes-là qu'on prend en charge ici. Et donc ces patientes, on va leur proposer un traitement qui est assez... je dirais nouveau, puisqu'il a à peine une dizaine d'années, hein, qui consiste en fait à aller ouvrir ces veines du cerveau en passant par l'intérieur des vaisseaux, hein, toujours. Donc là, en l'occurrence, on va aller ponctionner la veine jugulaire au niveau du cou. Et par ce petit orifice, on va passer un stent, hein, qu'on utilise le plus souvent dans les artères, hein, que ce soit en cardiologie ou en neuroradio interventionnelle. Et ce stent, on va le placer dans la veine du cerveau qui est rétrécie, et elle va aller ouvrir cette veine. Et donc, elle va guérir des symptômes d'hypertension intracrânienne idiopathique. Elle ne guérira pas la maladie de fond, c'est-à-dire que c'est des patientes qui auront toujours un fond migraineux, un fond céphalagique, mais c'est des patientes qui n'auront plus d'hypertension intracrânienne après. Et donc, c'est là que tous les travaux de recherche interviennent. C'est qu'on a un traitement qui va soulager les patientes, ça c'est sûr, il y aura vraiment un avant-après. Mais on joue sur la conséquence de la maladie qui est la sténose, mais le mécanisme biologique de survenue de la sténose, on ne le connaît pas, et il y a possiblement des cibles thérapeutiques qui vont se développer dans les années à venir, hein, qui vont viser justement ces mécanismes biologiques spécifiques qui conduisent in fine à la sténose du sinus latéral et de la veine cérébrale. Donc là, on a le bloc de vasculaire. Le sas du papier. Donc il faut s'habiller en stérile. Donc, hop. Donc il y a trois salles d'angiographie. On met les patients. Donc, met les patients donc sur la table que vous voyez ici. Et vous avez deux tubes à rayons X qui vont permettre de faire des rayons. Et nous, on navigue à l'intérieur des artères. On va injecter du produit de contraste, donc de l'iode, dans les artères. Et c'est ce produit de contraste qu'on va détecter avec les tubes de rayons. Et c'est avec un système de cartographie, on va pouvoir naviguer à l'intérieur des artères du cerveau, à l'intérieur des veines du cerveau, en faisant les images par radiographie. C'est ce qu'on peut entreapercevoir là sur les tout écrans. À fait. Là, vous avez toutes les arborescences colorées. Toutes les séquences en trois dimensions, hein, qu'on voit ici. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie de traitement d'image et la partie diagnostique. C'est-à-dire qu'on va visualiser la lésion, donc soit l'anévrisme, l'occlusion de l'artère dans le cas d'un AVC. La sténose de la veine dans le cas d'une hypertension intracrânienne. On va analyser les caractéristiques de cette lésion qui vont nous permettre de pouvoir utiliser un matériel et un device, comme on dit, adapté aux dimensions de l'artère et à la pathologie, et d'évaluer un peu la technique qu'on va pouvoir utiliser pour traiter le patient. Donc il y a vraiment deux phases. Il y a une phase diagnostique où on fait des images du vaisseau pathologique, et une phase thérapeutique où on va aller à l'intérieur avec du matériel pour pouvoir traiter cette lésion visible. En fait, on navigue jusqu'à la carotide avec des gros cathéters qui sont en fait, il faut considérer que c'est des tuyaux qui vont permettre d'aller dans les différentes artères. On va les diriger avec un système de guide, et ces guides, on va les manuellement en fait, hein, les tourner pour naviguer dans telle ou telle artère. Et à aucun moment, du coup, on ouvre la tête, hein, puisque vous voyez qu'on passe soit par l'artère fémorale, soit par l'artère radiale au niveau du bras, soit pour tout ce qui est veineux, par la veine jugulaire au niveau du cou. Et on a des cathéters qui ont une taille vraiment toute petite. On n'est pas encore au stade de capillaire, hein. Les capillaires, ils mesurent moins de 500 microns, donc nous, on n'y a pas du tout accès. On est vraiment dans les grosses artères, je dirais qu'on apprend tous en anatomie, hein, c'est-à-dire l'artère méningée moyenne, l'artère carotide interne, l'artère cérébrale moyenne, oui, entre 1 mm et après 5, 6, 7 mm. En neuroradiologie interventionnelle, on est devant nos écrans, et en plus on est au niveau du pli de laine, on est au niveau des jambes du patient, donc on n'est même pas au niveau de la tête, nous, physiquement. Et donc on a cette espèce de décalage virtuel réel qui quand même se rappelle à nous assez souvent. C'est un peu déroutant sur le coup, mais on a les patients derrière, on les connaît, on les voit. Et quand ça se passe bien, ben, on voit très bien qu'on a fait quelque chose, et on voit très bien qu'on a une action sur les patients. Mais pendant le geste, tout a l'air très très virtuel. Les gestes sont virtuels, puisqu'on bouge nos guides et on le voit sur l'écran. Et en fait, on dit souvent ça entre nous, hein, qu'on a finalement, on touche avec nos yeux. C'est-à-dire que les mouvements, on ne va pas les sentir, les mouvements qu'on fait avec nos mains, mais on va les voir sur l'écran. On voit ce qu'on fait, mais on ne le sent pas. Je crois que c'est ça le mot-clé, c'est qu'on ne sent pas de résistance, on ne sent pas qu'on pousse, on ne sent pas... Mais sur l'écran, on voit que nos guides se tordent un peu, on voit que notre guide change de direction. Et c'est en fait une espèce de plasticité intellectuelle pour nous à avoir, de connaître tout ça. Et c'est une formation qui est assez longue pour, au final, un peu toucher le Graal, que sont les artères et les veines du cerveau. C'est un peu quelque chose de magique, hein, même pour nous, hein, quand on s'en rend compte. C'est quelque chose d'assez génial, faut avouer. C'est des technologies qui nous amènent à faire des choses de plus en plus perfectionnées, de plus en plus ciblées et de moins en moins invasives, en fait, pour le patient. Voilà ce reportage à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je m'adresse au chirurgien Michel Calamarides. Ce que vous venez d'entendre, un commentaire sur le reportage du jour ? Non, c'était un reportage, c'est exactement ça. On travaille beaucoup avec les neuroradiologues. Pour certaines pathologies que maintenant ils prennent en charge et éventuellement ils peuvent aussi, dans certains cas, par exemple dans le cas des méningiomes, boucher les artères pour diminuer la vascularisation des méningiomes et pour avoir une chirurgie beaucoup moins hémorragique. Donc on est amené souvent à travailler de concert pour beaucoup d'actes. Jean-Léon Thomas. Oui, ce qui m'a enthousiasmé dans le reportage, c'est combien la convergence des intérêts entre les neurochirurgiens, entre les radiologues imageurs et l'interventionniste, et puis les chercheurs vont pouvoir permettre des choses tout à fait extraordinaires dans la découverte de cette des fonctions et surtout des traitements possibles qu'on peut administrer de la méninge, non seulement du cerveau mais de la méninge. Mmh. Notamment au sein de l'hôpital de la Salpêtrière, il y a un mouvement actuel qui est absolument enthousiasmant, où beaucoup d'actions convergent dans cette direction. On va parler de la méningite dans un instant, mais puisque c'est votre spécialité, Michel Calamarides, parlez-nous un peu de cette pathologie qui est moins connue que la méningite, mais non moins dangereuse, le méningiome. Je crois que c'est un tiers de toutes les tumeurs cérébrales primitives. Effectivement, c'est la plus fréquente des tumeurs primitives du système nerveux central après 35 ans. C'est-à-dire c'est plus fréquent que les tumeurs du cerveau. C'est à un moment... Alors, on exclut de cela les métastases, qui sont des tumeurs très fréquentes. Mais en tout cas, c'est la tumeur la plus fréquente. Et autre particularité, c'est la seule tumeur dont le nombre est en train d'augmenter. Alors, une fois qu'on corrige pour les IRM, parce que c'est quand même incroyable, et l'incidence des méningiomes, c'est 10 pour 100 000. C'est-à-dire que pour une ville de 100 000 habitants, chaque année, il y a 10 patients qui vont être traités. La dernière chose à noter, c'est que, en fin de compte, les méningiomes sont extrêmement fréquents, ces tumeurs de la méninge, j'en dis un mot, c'est que si on fait des IRM à la population générale de 60 ans, puisque c'est des tumeurs plutôt chez les patients de la soixantaine, plutôt des femmes, il y a 1 à 2% de la population qui a un petit méningiome. Donc la découverte fortuite de méningiome est extrêmement fréquente. C'est une tumeur très fréquente. Bien sûr, on ne traite que les tumeurs symptomatiques qui grossissent, mais donc c'est une tumeur fréquente et d'un intérêt important en termes de santé publique. Après, pour les méningiomes, ce sont plutôt des tumeurs qu'on va dire bénignes histologiquement, dans deux tiers des cas, et il y a des tumeurs un peu plus agressives, de grade 2, qui vont récidiver malgré le fait qu'on les retire. Et puis, il y a des tumeurs de grade 3 qui sont franchement très graves. Alors, juste un mot sur les méningiomes. En fin de compte, on connaît quelques facteurs de risque des méningiomes. Le premier, c'est une maladie génétique, la neurofibromatose de type 2, des gènes mutés. La deuxième, c'est la radiothérapie dans l'enfance. Et on sait qu'il y a des enfants qui ont été traités de tumeurs malignes, par exemple au niveau du cerveau, ou des tumeurs hématologiques, qui ont eu des rayons. Et 30 ans plus tard, ils vont développer des méningiomes. La même chose existe, ça a été observé en Israël au moment des traitements de la teigne, qui est cette maladie du cheveu, où on faisait une séance de rayon pour faire tomber les cheveux et traiter à tous les patients, enfin tous les arrivants. Et il y a eu un très grand nombre de développements de méningiomes 30, 40 ans plus tard. Enfin, le dernier facteur de risque, et on en parle actuellement pas mal, c'est la prise d'hormones. Puisque l'androcure, par exemple, qui est ce traitement qui a été donné pour traiter qui a été donné larga manu en France, on sait que maintenant, il y a un risque de développer des méningiomes quand on a pris ce traitement à forte dose pendant longtemps, et c'est un risque très important. On peut peut-être rappeler un peu ce qu'a été, est-ce qu'on peut parler de scandale sanitaire? Oui, d'une certaine manière, parce qu'on a beaucoup donné ce médicament, notamment à l'adolescence, et on s'est rendu compte que les effets secondaires, et notamment le développement de méningiomes, n'avaient pas du tout été anticipés. Ça n'a pas été anticipé. Disons, ça a été donné. Il y a des indications formelles, le syndrome des ovaires polykystiques, où il y a une hyperandrogénie. C'est un traitement qui traite l'androgynie. Donc finalement, ça a été donné de façon détournée comme traitement de œstroprogestatif, de contraception, quand il y avait des femmes qui avaient un peu d'hirsutisme, un peu d'acné. Et ça marchait très bien. Ça a aussi été donné dans l'endométriose. Oui. Mais en dehors des règles, c'est 70% des prescriptions d'androcure dans le monde l'ont été en France. Et clairement, on s'est aperçu, ça fait quelques années qu'on est au courant, et actuellement, il y a une étude de la CNAM très claire qui a montré que le risque est vraiment majeur de survenue de méningiome quand on prend ce traitement, et aussi les autres traitements, luténil, lutéran. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, on va dire, un problème de pathologie du nombre de patients. Alors maintenant, c'est encadré. On fait une IRM. Toutes les femmes qui ont un traitement ont des IRM. Les traitements sont très surveillés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont souffert de ça. Et il y a actuellement des procès qui vont être faits, probablement. Ouais. Un mot peut-être plus généralement, Jean-Léon Thomas, sur cette pathologie qui est le méningiome. Exactement, que se passe-t-il? Quelle est la couche de la méninge? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, une tumeur apparaît et se développe dans les méninges? Écoutez, ça c'est une question qui est plus pour Michel. On peut avoir des origines à la fois du tissu fibreux, c'est-à-dire des fibroblastes qui sont dans la dure mère. Je peux dire un mot si tu veux, Jean-Léon Thomas. Je pense que tout à fait. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ce domaine, et on a développé les premiers modèles animaux qui ont montré clairement que certains méningiomes provenaient de la dure mère et d'autres de l'arachnoïde, alors qu'avant on disait que les méningiomes provenaient des villosités arachnoïdiennes. Donc on a vraiment revu ça, et on est retourné à l'embryologie pour connaître ça. Donc les méningiomes dépendent de cellules différentes. L'autre point intéressant, et actuellement c'est un travail qu'on va mener avec Jean-Léon, c'est comprendre pourquoi il y a des méningiomes qui sont bénins. Quand je dis bénin, je m'entends histologiquement, mais le problème, c'est que les méningiomes, parfois, sont situés dans des régions très délicates. Et enlever ces méningiomes, quand c'est au contact des nerfs optiques, quand c'est au contact d'autres nerfs ou d'autres structures importantes, ça peut être dangereux, il peut y avoir des séquelles. C'est pourquoi ces méningiomes vont, dans certains cas, se transformer en méningiomes agressifs. Et l'hypothèse qu'on va travailler avec Jean-Léon Thomas, c'est de comprendre quel est le rôle exact de la méninge, non seulement origine du méningiome, mais aussi on pense que les lymphatiques et que des cellules dans la méninge, des macrophages, participent à la transformation du méningiome. Et c'est là tout l'intérêt de la méninge. C'est-à-dire le développe c'est un contrôle un peu... Ils exercent un contrôle justement des cellules tumorales pour les éliminer. Et quand il y a un défaut, alors ça s'emballe et il y a une tumeur maligne qui apparaît ou très agressive. Mais ça vient vraiment des structures de la méninge et une modification du drainage lymphatique. Et c'est pour ça qu'un projet qu'on va développer, j'espère qu'on aura le financement, on n'a pas dit ce mot-là, mais c'est vrai que la méninge, comme vous dites, intéresse assez peu. Et donc, à la différence des tumeurs du cerveau, pour financer la recherche sur les méninges, c'est plus difficile. Mais dans ce projet, on veut manipuler les lymphatiques, en pensant que si on manipule les lymphatiques, on peut jouer avec les cellules lymphatiques, les cellules, les lymphocytes, qui vont détruire le méningiome. Et c'est une vision très novatrice du traitement des méningiomes. Donc une forme d'immunothérapie spécifique. Exactement, immunothérapie en augmentant la présentation des antigènes par une augmentation, par exemple, du réseau lymphatique qui marche moins bien dans les méninges malades, dans les méningiomes. Donc c'est une vision très, très novatrice avec laquelle je pense qu'on va, j'espère, Jean-Léon, faire des choses importantes. Jean-Léon Thomas, un mot, une réaction? Oui, bien sûr. Pour nos auditeurs, peut-être clarifions quelle est la relation entre l'immunité, les vaisseaux lymphatiques et les méninges. Des travaux ont été réalisés depuis un bon moment qui ont montré que la méninge était un lieu d'accumulation tout à fait particulier de cellules immunes. Il y a une richesse de population de cellules immunes, notamment dans la dure mer, tout à fait étonnante et singulière, qui se distingue même de ce qu'on a dans le reste du système immunitaire. On a montré que ces cellules immunitaires, elles avaient un premier rôle étonnant, c'était qu'elles étaient capables de contrôler certains aspects de notre comportement. Parce qu'elles produisent en fait des petites molécules, ce qu'on appelle des cytokines, qui vont pouvoir agir sur des populations de neurones à l'intérieur du cerveau pour contrôler en fait les activités des synapses, notamment l'activité des interneurones. Alors certaines de ces molécules, je pense que vous les connaissez, l'interféron gamma, c'en est une. Une autre, c'est l'interleukine 4, qui vont chez la souris. En fait, quand il y a des anomalies d'expression de ces molécules par les cellules immunes dans la méninge, provoquer des changements de comportements sociaux ou des anomalies cognitives chez les animaux. Maintenant, la deuxième chose, c'est que les cellules immunitaires qu'on a dans la méninge, elles rentrent et elles sortent. C'est une plateforme d'échange, cette méninge, entre ce qui vient de la circulation, parce que les cellules, les globules blancs, bien sûr, circulent partout, ils sont produits dans la moelle osseuse, et ensuite ils circulent, ils patrouillent, ils échantillonnent un petit peu ce qu'il y a dans les différents organes, ils vont éventuellement proliférer dans des ganglions secondaires, hein, les ganglions du cou qu'on a, par exemple, pour ce qui est du cerveau, sous les aisselles également. Et la méninge est un endroit donc d'échange de ces cellules, notamment des lymphocytes, et puis de cellules macrophagiques qui ont une particularité, c'est que quand quelque chose ne va pas, elles le mangent, dévorent, et puis elles vont présenter ce qu'on appelle les antigènes processés à leur surface, et d'une manière particulière, qui va pouvoir être reconnue par les lymphocytes, qui vont être les acteurs ensuite des réponses, soit de production d'anticorps, soit alors d'attaque directe du tissu pour les lymphocytes T. Alors, ces différentes populations sont dans la méninge, circulent entre la circulation sanguine et puis les vaisseaux lymphatiques. Et on a pu montrer récemment, alors à la fois les équipes de Jonathan Kipnis et puis les équipes à Yale de Akiko Iwasaki, et nous avons contribué à ces travaux-là, que quand on manipulait les vaisseaux lymphatiques, on allait changer en fait l'intensité de la réponse immunitaire à l'intérieur du cerveau. Ça peut être en fait nocif dans certains contextes, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que quand on détruisait de façon sélective les vaisseaux lymphatiques dans le cerveau, on réduisait en fait l'intensité de la déminimisation de l'attaque de la myéline dans des modèles de sclérose en plaques chez la souris. En revanche, ça a des effets très positifs. Dans le cas d'une tumeur cérébrale, on a pu montrer que quand on augmentait la surface couverte par ces vaisseaux lymphatiques dans les méninges et le drainage des antigènes provenant de la tumeur via le liquide céphalorachidien recapture vers les ganglions du cou, on allait permettre d'amplifier dans les ganglions du cou des populations de lymphocytes qui sont capables de reconnaître la tumeur, qui vont ensuite passer dans la circulation générale, rentrer dans le tissu cérébral et détruire la tumeur, à la condition que dans les modèles qu'on a eu chez la souris, que les animaux soient traités en même temps avec ce qu'on appelle une immunothérapie. C'est-à-dire que en soi, le traitement va faciliter une réponse immunitaire, mais il faut que la charge d'attaque lymphocytaire soit toujours présente dans le cerveau et qu'elle puisse agir. Voilà. Alors, si j'ai une chose à rajouter pour mieux faire comprendre justement ce qu'est la réponse immunitaire à une attaque, que ce soit un pathogène ou un tissu anormal dans le cerveau, il y a en quelque sorte trois étapes clés. La première, c'est qu'il faut lire la présence de l'antigène anormal. Et le système lymphatique va avoir une importance considérable parce qu'il va permettre d'amener davantage... Si on l'amplifie ce système, va permettre d'amener en fait l'antigène dans les ganglions lymphatiques. Il y a une deuxième étape où il va falloir que les cellules lymphocytaires T puissent rentrer dans le tissu, donc dans lequel doit se faire l'attaque immunitaire. C'est en fait le recrutement des cellules lymphocytaires. Et puis là, quand il y a une tumeur, la tumeur, elle a une capacité extraordinaire à anesthésier les cellules lymphocytaires T qui sont là pourtant prêtes à tuer. C'est-à-dire que même si les deux premières étapes ont été assurées, les lymphocytes sont là, prêts à attaquer, armés, et la tumeur les anesthésie en produisant des substances et qui s'appellent des checkpoint inhibitors. Et on a découvert que en utilisant des anticorps qui bloquent ces molécules-là, à ce moment-là, on empêchait les lymphocytes de recevoir le message, parce que ces lymphocytes ont des récepteurs à ces substances anesthésiantes. Donc on les empêche d'être anesthésiés, ils sont actifs et ils vont tuer. Donc si vous voulez, quand on aide cette immunothérapie avec en amont des traitements qui vont pouvoir d'initier davantage la réponse immunitaire, eh bien, on va avoir un avantage considérable. Et dans les cas en question, on était capable effectivement de se débarrasser de tumeurs de modèle de glioblastome. Alors, dans ce que disait Michel, l'idée est que quand les tumeurs se développent, elles sont sans arrêt en dialogue avec le système immunitaire. Bien sûr, le système immunitaire essaie de limiter le développement de cette tumeur. Vous voyez, mais il y a un moment où la tumeur prend le dessus, et on se dit que si on pouvait permettre au système immunitaire de garder toujours un certain avantage ou une surveillance dans l'évolution de la maladie, on empêcherait en fait l'expansion de la maladie, sa progression, et les métastases, etc. Vous voyez? Donc c'est l'idée qui est en question. Donc agir sur le système lymphatique dans les méninges ou d'abord regarder un peu comment se comporte ce système lymphatique dans la méninge, c'est essayer d'établir des corrélations entre la progression de la tumeur et puis l'état du lymphatique et du système immunitaire dans la méninge, les ganglions, etc. Un mot peut-être pour sortir du méningiome et poser la question des méningites, puisque les méningites, pour le coup, c'est un peu plus connu. Ça peut très vite être une pathologie très grave. Aujourd'hui, il y a une vaccination qui est possible, pas pour l'intégralité des méningites. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on comprend très bien, les infections à méningocoque. On voit comment ça marche et comment les combattre le mieux possible, Michel Canamarides. Je pense que ça, en fin de compte, c'est il faut revenir à ce qu'a dit Jean-Léon Thomas au point de vue global. C'est une question de lutte contre des pathogènes. Alors là, c'est pas de la tumeur, c'est des germes. Oui, on les traite. Alors il y a plein de méningites. Je dirais, je suis pas un spécialiste des différents germes, mais on sait les traiter, on sait s'en prémunir. On sait aussi que les méningites se transmettent par voie orale, qu'il y a des épidémies de méningites. C'est très contagieux. Très contagieux, et ça peut entraîner des séquelles très importantes, puisque justement, vu que ça circule dans le liquide céphalo-rachidien, ça peut aller atteindre le cerveau et donner des séquelles, des surdités, des choses graves. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait traiter. La difficulté, c'est le dépister assez tôt. Faire une ponction lombaire et mettre en route le traitement très vite, parce qu'il y a encore des gens qui meurent de méningite. Avec une spécificité épidémiologique très particulière, c'est que il y a dans le monde ce qu'on appelle la ceinture de la méningite en Afrique, avec une répartition qui est vraiment très très marquée sur le continent africain, Jean-Léon Thomas. Oui, en effet. Alors, est-ce que cette répartition, cette géographie tient des propriétés du germe particulier, et aussi très vraisemblablement en fait aux caractéristiques génétiques des populations. C'est aux spécialistes de la question de répondre dans le détail. Un mot, Michel Calamaridès, pour conclure. Pour conclure, je voulais juste, Jean-Léon Thomas, tu n'as pas parlé de toutes les maladies, finalement, du système immunitaire, du cerveau, qui peuvent être traitées à travers les méningites. On parlait, quelles maladies? Il y a la sclérose en plaques, il y a toutes ces maladies, tu parlais au début, immunitaires sans les citer, peut-être tu pourrais citer toutes les maladies du cerveau. J'ai parlé tout à l'heure. Sclérose en plaques, Alzheimer peut-être, ou des maladies dégénératives, bien ça sûr, peut aller très loin. On pense effectivement à... Parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a ces dépôts de protéines toxiques. De plaques amyloïdes bêta. De plaques amyloïdes. Et bien sûr, comment les éliminer? Stimuler l'activité du système lymphatique, c'est une chose. Maintenant, stimuler les capacités de nettoyage des cellules immunitaires, des cellules T, spécifiques cette fois proprement de la tau phosphorylée ou des différentes formes de bêta, ça c'est une chose à laquelle on pense bien sûr. Et donc agir sur le compartiment méninger, plus particulièrement sur ce dialogue entre le système immunitaire et les vaisseaux lymphatiques, c'est une chose, une perspective de recherche et avec une richesse d'ouverture thérapeutique considérable. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont converger dans les prochaines années là-dessus. Et on continuera à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas infiniment à tous les deux. Merci Michel Calamarides, merci Jean-Léon Thomas d'être venu nous parler des méninges tout au long de cette heure. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Alexandre Morales, Noémie Naguette Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Hélène Trigueros à la réalisation et Dalila Ya à la technique. Demain, nous vous parlerons de ces étoiles qui brillent comme des phares dans la nuit, des étoiles si particulières qu'on les utilise comme chandelles standard, soit comme outil de mesure pour évaluer les distances, la vitesse d'expansion de l'univers, et j'en passe. Demain sera une émission donc consacrée aux céphéides à 16h, jusqu'à preuve du contraire.